Salut Charline. Je suis tellement contente. Pourquoi invité? Mais justement, c'est qui l'invité? Oui, c'est pas écrit sur le tableau. Ah bah ouais, je voulais garder la surprise. Oui, mais comment est-ce que nous on prépare alors? Ah bah parce que général, vous vous intéressez à l'invité. Maintenant, c'est nouveau. Ça vous prépare en fonction tout ça. Non. Ah bah alors. Mais nous, oui. Bah oui, surtout, on aimerait bien savoir qui c'est l'invité. Pourquoi tu le caches? Bah parce que j'y crois pas moi-même, voilà. Mais c'est qui? C'est le pape? Bah non, ça non. C'est Alain Juppé. Ah, c'est Juppé. C'est ça. Ah, c'est vrai que tu kiffes Alain Juppé. Non, mais lui, je le kiffe différemment. Tu vois, il te donne beaucoup de choses. Johnny. J'adore Johnny, je vais chercher le whisky. Mais non, c'est pas un chanteur. Ah, c'est une chanteuse, c'est Madonna, c'est non, sûr. Mais il y a un lien en revanche. Ah, quelqu'un qui a pécho Madonna. Ouais, bah tu lui demanderas. Ah, hein, ouais. C'est Valérie Giscard d'Estaing. Ah, c'est ça, c'est sûr. Alors, c'est Dieu, c'est qui? Non, mais il y a un lien. Oh, quelqu'un qui a pécho Dieu. Ouais, bah tu lui demanderas. C'est Christine Boutin. Ah oui, c'est ça. Mais dis-nous. Bon, allez, je l'écris au tableau, allez hop, voilà. Il vient ce soir. Oui, c'est alors je vous demande une chose, oui. Vous ne dites rien à personne de la journée. Okay. Mais et les auditeurs, on leur dit quand? Est-ce qu'on le mettrait pas dans la conf de Reda? Non, c'est trop tôt. Faut les faire mousser un peu. Ok. Alors je l'aime bien lui, mais j'aimerais bien qu'on invite Johnny aussi. Ah oui, et Madonna aussi. Ah oui. Oui, mais d'abord Alain Juppé. Bonjour la France Inter, bonjour à tous les dépravés de la Terre, vous écoutez l'émission qui repeint l'actualité au rouleau. Et voici les trois informations qui vont recouvrir toutes les autres jusqu'à 18h. Pour changer le monde, il faut changer le plus vieux métier du monde. Désormais, le client sera pénalisé et il le prend pas très très bien. Moi c'est bien simple, depuis ma première communion, j'ai l'impression que ma braguette est ouverte. Je passe mon temps à me vérifier. L'affaire, on sait ce que c'est, on peut en parler, on en revient. Les policiers sont beaucoup trop à la mode en ce moment. Ils ont trop le swag. Résultat, ils manquent de moyens et aujourd'hui, ils manifestent. Dites non aux manifestations! Dites non aux manifestations! Macron a surpris tout le monde en lançant son mouvement politique En Marche, alors que tout le monde l'attendait en bus. Ses conseillers sont déjà au travail pour 2022. Alors si j'ai bien compris le profil du candidat, c'est l'homme qui rassemble la droite et la gauche dans une nouvelle tendance politique. Ouais, hein. C'est ça. Ok, donc ça nous donnerait la droite. Et moi je suis accompagnée de celui qui se situe au milieu de la droite, c'est Alex Duzerec. Effectivement, bonjour Charline, et autour de la table pour cet invité mystère, bah, l'équipe type évidemment. À 17h20, il est capable en 3 minutes de dire à une jeune chanteuse si elle fera une grande carrière. Il le dit en 3 minutes, douche comprise. Bonjour André Manoukian. Vous connaissez mal Alex. Bonjour Alex, bien. Bonjour Charline. De quoi on parle? On va parler de Yéli, et on va parler d'individuation apollinienne, en passant par... les racines dionysiaques, un double mouvement contraire, mais qui est le contrepoint idéal finalement pour se trouver quand on ne sait pas bien, comme moi, qui on est. Mais on va rien apprendre, on connaît ça par cœur. On l'a entendu, 17h30, il est capable en 3 minutes de juger si son interlocuteur a des conneries à dire. Et quand il le tient celui-là, il le garde bien plus que 3 minutes. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je suis allé à un colloque organisé par la Grande Loge de France. J'ai donc rencontré des gens qui, grâce à la franc-maçonnerie, vont être plus quoi? Je vais être beaucoup plus perceptif. Ça m'évitera d'aller trop souvent chez le coiffeur. Perceptif, coiffeur. Drôle. Oh, c'est de l'humour de franc-maçon. On va beaucoup rigoler. 17h40, en 3 minutes, c'est à peu près le temps qu'il lui faut pour m'éconduire 3 fois. La comtesse de cette émission et son carrosse littéraire, Clara Dupont-Modo, bonjour. Bonsoir Alex. Voilà, de quoi on va parler? Du livre d'Alain Juppé. Ah, c'est donc... C'est pas Alain Juppé qui est là. Je ne savais pas que le référent de la République, Alain Juppé, était entré à la Grosse Bertha, l'ancêtre de Charlie Hebdo, en 91. Mais quand Jacques Chirac se plaint du bruit et de l'odeur, il devient DJ en 2003, quand Florent Pagny devient philosophe, Ma liberté de penser, un texte majeur. Vous sortez le 1000e numéro de Charlie Hebdo en 2011, quand les indignés se lèvent en Espagne, et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Alain Juppé. On s'en va sur France Inter, Charline Van Hoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... Fillon enculé. C'est bien vous Alain Juppé. Je me demandais qu'est-ce qui nous prouve que c'est Luz qui est avec nous aujourd'hui. Vous venez de nous le prouver, c'est bon. C'est gentil. Ça vous a fait plaisir de prendre la place d'Alain Juppé, même 2 minutes. Ouais. Non mais on sait jamais, ça peut arriver à tout le monde de prendre la place d'Alain Juppé, il suffit de vieillir. Luz, vous publiez « Oh vous, frères humains » d'après l'œuvre d'Albert Cohen. C'est paru chez Futuropolis. Alors l'objet de cet album, il commence avec Albert Cohen au crépuscule crépuscule de sa vie, qui revoit le gamin qu'il était quand il avait 10 ans. Dans la rue, trop content de vouloir acheter un petit quelque chose qui fera plaisir à sa maman. Et au moment où il tend la monnaie à un camelot, le camelot le traite de sale youpin. Et c'est cette insulte qui prend toute la place dans le livre et qui envahit le gamin, Albert Cohen, et qui envahit de toute la noirceur les pages. C'est ça, c'est l'insulte qui est aussi le héros de l'album, Luz ? Je ne sais pas le héros, mais qui est un déclencheur, ouais. Mm-hmm. L'insulte, c'est évidemment, la haine est quelque chose d'horrible, et en même temps, paradoxalement, elle peut vous fabriquer. Elle peut, là, en l'espèce, Albert Cohen a été frappé, je dirais même d'une certaine manière, violé dans son innocence d'enfant par la haine antisémite d'un camelot. Et en même temps, cette haine qui s'est déversée sur lui, ce type qui le traite de youtre, de youpin, d'anti-France, etc. Des choses qu'on rencontre encore maintenant, même un discours qu'on peut rencontrer sur des pages YouTube, etc. Eh bien, ça va le constituer, en fait. Ça va le fabriquer, bizarrement. Vous dites dans la préface que vous aviez 16 ans lorsque vous avez découvert au Vous, Frères Humains. Pourquoi ça vous avait marqué à l'époque ? Ça m'avait marqué parce que on était déjà dans une espèce de période où le Front National commençait à monter. Il montait de rien, mais il montait. Je me rappelle jamais si à ce moment-là il y avait encore des députés à l'Assemblée nationale ou pas. J'ai un trou. Mais par contre, le débat autour de la montée du Front National, c'était aussi des débats dans les lycées. Moi, je faisais partie du SCALP, section carrément anti-Le Pen. En même temps, je faisais partie de les gens battait, et puis moi je dessinais, je faisais des affiches, des choses comme ça. Mais tout d'un coup, j'avais découvert ce texte qui n'était pas étudié à l'école, qui était dans une librairie, et je me dis, tiens, c'est marrant, ça a l'air intéressant. Et puis paf, une espèce de manifeste humaniste au moment où on parle effectivement le Pen antisémite qu'il était et qu'il est toujours était à la télé. Et il y avait un truc un peu étrange, c'est qu'on lit un bouquin, on a l'impression que tout le monde l'a lu, on a l'impression que c'est bon, c'est plié, il y a le mot fin à la fin du livre et c'est fini, quoi. C'est genre on lit Primo Levi, on lit d'autres livres, d'autres ouvrages comme ça et c'est bon, l'humanité entière l'a lu. Et puis en fait, finalement, on se réveille quelques années plus tard en se disant, tiens, faudrait que je relise ce livre parce que je crois que l'humanité entière ne l'a pas lu et peut-être que moi, il faudrait que je le lise parce qu'il y a peut-être des choses à piocher là-dedans. Alors, revenons au dessin aussi dans le livre, donc adaptation de l'œuvre d'Albert Cohen, hein, Au Vous, Frères Humains. C'est donc une insulte au départ qui en fait devient un tombereau d'insultes assez immense dans le livre, qui noie le gamin, et puis qui se déforme aussi et qui se répète à l'infini. La répétition et la déformation, comme le gamin de 10 ans qui va pleurer dans les chiottes, où tout se déforme et se répète. C'est une forme de métaphore de dire que s'il n'y avait eu qu'un camelot, à la rigueur, mais il y avait des millions de camelots, ou bien c'est aussi vos souvenirs et vos perceptions maintenant qui se déforment et se répètent à l'infini. Bah, je pense qu'il y a, effectivement, il y a un camelot, enfin, c'est vrai qu'il y a deux aspects à cette haine que rencontre le petit Albert Cohen et que raconte Cohen dans son livre. C'est à la fois trois aspects. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le camelot qui déverse sa haine, il y a aussi les badauds autour qui disent rien, qui applaudissent, qui rigolent, etc. Et en plus, cette haine il découvre la haine qui était déjà écrite sur les murs avant qu'il découvre cette haine verbale, qu'il n'avait jamais remarquée. Et tout d'un coup, il découvre qu'il y a effectivement, il y a mort juif ici, il y a mort juif là, il y a etc. Et tous ces graffitis antisémites, il ne les avait pas vus avant. Parce que tout d'un coup, on ne lui avait pas foutu le nez finalement dans cette vie adulte qu'il ne connaissait pas. Et je pense que c'est il y a une forme effectivement de démultiplication, mais presque de démultiplication dans le fantastique, c'est-à-dire aussi les haineux sont aussi obsédés par la répétition. Mm-hmm. On voit par exemple, c'est très marrant, on voit c'est très intéressant parce que Le Pen a été condamné hier pour des choses assez similaires. Ce qui est improbable, c'est de se dire que Le Pen le pense, mais que Le Pen le dise, mais que Le Pen le répète et qu'il jouisse de cette répétition-là. Elle est là, la haine antisémite, c'est jouir, c'est aussi la jouissance haineuse. Et au bout d'un moment, ça rend dingue. C'est-à-dire que je pense que le gamin, il est possédé. Il est à la lisière de la folie. Il fait parler ses mains. il est lui-même vraiment à la frontière du basculement, vers la folie, quoi. Ouais, exactement. Mais pour un gamin, c'est plus facile d'être taré, parce qu'un gamin, c'est l'imaginaire est en constitution, donc on voit un gamin qui discute avec ses doigts, avec ses mains, ça va. Si vous discutez avec vos mains et avec vos doigts, soit vous êtes italien, soit vous allez en psychanalyse. Elle aurait besoin. Moi, parfois, il m'arrive d'avoir des vraies conversations avec ma main gauche et... Oui, très bien. C'est l'album de Luz, donc le dernier album. Oh, vous, frères humains, d'après l'œuvre d'Albert Cohen, c'est paru chez Futuropolis, et Clara Dupont-Mono va nous en reparler tout à l'heure, dans une demi-heure. Entre autres, vous entendrez évidemment Guillaume Meurice, André Manoukian, Alex Vizorek. André Manoukian qui vient de nous apprendre qu'il était gaucher. Oui. Et ça, c'était bon à savoir. Et la Gainsbourg nous tient compagnie. On est ensemble jusqu'à 18h. J'avoue, j'en ai basé pour vous love. Avant d'avoir le vent de vos love. À votre avis, qu'avons-nous vu love? Remake parce qu'on est moderne sur France Inter, mais bien sûr. On est de gauche. Et la programmation. Attention, est-ce qu'on peut garder ce son musical de Djoubaka. Notre invité, c'est Luz. Son dernier album, Au vous, frères humains, d'après l'œuvre d'Albert Cohen, paru chez Futuropolis. Et André Manoukian vient de dire oh, c'est super, il n'y a pas de texte avec des dessins. C'est à votre portée. Là, c'est à votre portée, André. Adapter, le challenge, c'est ça. Adapter un écrivain. Vous l'avez pas signalé, non? Figurez-vous que c'est l'objet de la chronique de Clara Dupont. Voilà, donc on va se taire maintenant, André. Okay. Hein voilà. Mais ça ne nous avait pas échappé, je vous assure. C'est d'une force, c'est d'une merci, puissance. André. Je vais passer à votre chronique, Clara. Demain, le mec, il ouvre l'album 3 secondes, il fait putain, c'est d'une force. Alors, je peux vous dire, il l'a vu 3 secondes, donc si vous le lisez en entier, c'est d'une force, mais c'est la gifle. Mais en plus, il a commencé à colorier, arrête. C'est vrai, parce que vous avez laissé vos feutres de couleur à Paris, Luz. Oui, bien sûr. Tout est, voilà, c'est noir. Hein, c'est... Mais il y a, comment vous allez faire votre chronique, Charline? J'ai hâte. Hein non, allez, taisez-vous, qui est autour de la table? Alors, on les a tous entendus à raconter n'importe quoi. Manoukian, Meurice, Dupont-Mono, la fine équipe. Allez, le journal. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Allez, les titres. Oui, le Panama promet d'enquêter sur ses pratiques financières. En revanche, rien n'est prévu du côté de Levallois-Perret, hein, où on n'a même pas l'élégance de faire semblant. Vincent Bolloré se rapproche de Silvio Berlusconi, une façon peut-être de prouver qu'il aime les guignols. Et il y aura des brèves importées du monde entier, mais de manière légale. Et on commence avec le Premier ministre belge Charles Michel qui a déclaré sur CNN. La Belgique a mis 4 mois pour retrouver Abdeslam. Les États-Unis, eux, ont mis 10 ans pour capturer Ben Laden. En même temps, Ben Laden, on l'a pas rattrapé à Harlem avec un livreur de pizza après s'être évadé dans une armoire d'un appartement du Bronx. Mais enfin bon. Voilà. Notons aussi que Tintin était allé sur la Lune bien avant Neil Armstrong. Voilà, voilà. On salue nos politiques. Toujours bien. La confiance, les Belges. Oui, oui, oui. Politique intérieure. À présent, le gouvernement s'attaque donc au problème de la prostitution. Oui, il réforme le plus vieux métier du monde et c'est même pas dans la loi de travail. Donc, ouais. Il s'agit aussi d'assouplissement. Hein. C'est vrai, il faudrait peut-être simplifier la loi. Oui, Manuel Valls veut revoir le code du travail. Oh. Je demande les qualités et je dénonce Charline Vanhoenacker, qui était fière d'elle dans le bureau quand elle l'a trouvé. C'est pas vrai. J'ai lancé la cantonette, je pensais pas que vous alliez le noter. Bah, si, quand c'est de qualité, je prends économie. Bolloré et Berlusconi, l'alliance de choc. Oui, Vincent Bolloré va se rapprocher du groupe Berlusconi qui, du coup, ferait son entrée au capital de Vivendi. Voilà. Pour Bolloré, c'est l'occasion de mettre un pied sur le marché italien. Voilà, en revanche, quand il va expliquer à Berlusconi qu'il a eu l'idée d'enlever les Miss Météo de Canal+, ça risque de faire le premier clash. International, direction le Panama. Oui, le cabinet Mossack Fonseca dit avoir été piraté. Son directeur a déclaré, je cite, « Nous ne comprenons pas, le monde est déjà en train d'accepter que la vie privée n'est pas un droit de l'homme. » C'est beau, un homme qui défend que ça, les droits de l'homme. D'ailleurs, je vous rappelle l'article 1 de la Déclaration universelle. Les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit et en travers aussi. International toujours, en Allemagne, une ville retire à Adolf Hitler son titre de citoyen d'honneur. Ouais, ils ont mis 70 ans, mais là, c'est sûr, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas Adolf Hitler. C'est ça, voilà. Mais c'est rassurant pour François Hollande, il existe quelque part des gens qui mettent plus longtemps à prendre des décisions que son propre gouvernement. Et une dernière info internationale, oui. Daesh s'engraisserait en vendant des antiquités sur eBay. Et ben voilà, on a le prochain épisode de Louis la Brocante. Louis va Média à présent. Oui, c'est officiel, la publicité commerciale va débarquer sur Radio France. Oui, mais elle ne pourra pas excéder 17 minutes par jour en moyenne. Voilà, attention. Pour vous donner une idée, c'est à peu près deux chroniques d'André Manoukou. C'est pas plus, pas moins. Passons au carnet rose. Johan Gourcuff et Karine Ferry sont les heureux parents d'un petit Maël. Voilà, et assez étonnamment, le bébé se porte très bien. Il n'est pas blessé. Sans doute, il tient de sa mère. Une brève locale pour terminer. Oui, alors comme il n'y en a qu'une, c'est pour vous. Ah oui, France 2 points. Un camion rempli de packs de bière fini au fossé. C'est arrivé où? En Bretagne. Tu m'étonnes, les bières ont préféré se suicider avant de tomber dans les mains des Bretons. C'est Luz qui nous accompagne jusqu'à 18h. Luz, avec vous, on va aborder le premier sujet. C'est la réforme du plus vieux métier du monde. Le changement, c'est maintenant, mais pour les trucs très très anciens. Donc, on a mis du temps, mais les clients des prostituées seront désormais pénalisés. Alors, qu'en pense la mère Maquerel, déjà ? Les filles qui se touchent pour mettre des tampons, c'est trop des putes. Les filles qui ne portent rien sous leurs sous-vêtements, c'est trop des putes. Les filles qui se laissent ploter pour une mammographie, c'est trop des putes. Ça vous plaît, Clara ? Les filles qui sont tenues devant le médecin légiste, c'est la femme d'un copain. C'est trop des putes. C'est Guy Edré. Oui. Des putes, voilà. Alors, c'est un... Frédéric Fromet, mais sans les testicules. Voilà. Bon, on vous conseille, hein, Guy Edré, vraiment. C'est pas Jean-Jacques Goldman. Voilà. Genre, vous pouvez pas connaître. Pour la réforme du plus vieux métier du monde, donc les clients de prostituées désormais pénalisés. Moi, j'ai lu que à l'époque de la grosse Bertha, qui était un peu le brouillon de Charlie Hebdo, vous louiez des chambres dans les hôtels de passe parce que vous habitiez à Tours et puis vous veniez à Paris déposer vos dessins, exactement, rentrer à la grosse Bertha, pas dans la grosse Bertha, mais à la grosse Bertha. Donc c'est un milieu que vous avez un peu croisé assez jeune. C'est un milieu que j'ai un peu croisé, ouais, effectivement. Enfin, on avait un peu les mêmes chambres. Ah oui, c'est marrant que vous faites un boulot d'enquête incroyable dans cette émission. Mais effectivement, ouais, c'était j'allais dans les hôtels du côté de Sentier, enfin de la rue de Saint-Denis, enfin, du haut de la rue Saint-Denis. Mmh. Et c'était des hôtels de passe les moins chers possibles. C'était 70 francs à l'époque. Alors, je sais plus du tout ce que ça fait en euros. Et je me rappelle de chiottes. Enfin, bon, il y avait des cafards, c'était assez normal, assez bien tenu. Et il y avait je me rappelle d'un soir où il y avait des chiottes, mais qui étaient complètement ensanglantées avec genre une espèce de vraiment de vraie explosion Tampax. À la fois de Tampax et de sexe. Il y avait des capotes partout, etc. Et après, j'ai loué un appartement, boulevard Ney, un peu plus haut, où en fait, il y avait des travestis qui tapinaient dans le hall de mon appart. Oui, donc oui. Donc en fait, j'ai passé ma vie à glisser sur des préservatifs. C'était presque un ticket d'entrée aussi pour aller à la grosse Bertha, non? C'était un peu... Non, mais disons non. que c'est un ticket d'entrée, disons que c'est l'école de la vie. Ça vous rendait sympathique, en tout cas, ouais. à leurs yeux. Donc la France est le quatrième pays européen à pénaliser le client. Donc en langage capitalistique, on dirait que c'est plus l'offre qui est sanctionnée, mais la demande. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ça vous paraît une avancée? Vous voyez les choses comment? Je ne sais pas, c'est assez marrant quand même, un gouvernement de gauche qui a un peu une espèce de politique de la répression inutile. C'est-à-dire que, inutile et presque, dangereuse, parce qu'après, aussi les prostituées qui vont se retrouver ça va être une prostitution sur internet qui va être encore plus confidentielle, donc plus dur à traquer sur internet, plus dur à traquer sur internet, mais aussi plus dur à protéger, c'est-à-dire les prostituées vont être plus difficilement protégeables aussi. Et puis il y a ce truc qui est marrant, j'ai vu un truc, c'est un syndicat de police qui a dit Synergie, un syndicat de police Synergie de droite, donc un syndicat de police qui a dit on n'ira pas se cacher dans les bosquets ou les toilettes pour voir s'il y a du commerce charnel, on ne fera pas la politique du bidet. C'est-à-dire que déjà les flics disent ça sert à rien en fait. Ouais. Donc un peu dubitatif. On a l'impression que c'est une espèce aussi de coup d'éclat sécuritaire de plus. Mais est-ce que c'est pas important symboliquement de pénaliser la personne qui oppresse, à savoir le client? C'est-à-dire que, par exemple, pas le proxénète, c'est bizarre. C'est pas le proxénète qui oppresse. Vous pouvez laisser répondre l'invité, Clara. Plus que le client. Non, mais c'est quand même super étonnant, cette réaction. C'est-à-dire que l'important, c'est le proxénète. C'est, par exemple, vous mangez au McDo, vous? Non. Non. Par exemple, c'est comme si on disait, franchement, on va. Moi, je suis pour pénaliser le client du McDo aussi. Non, mais c'est ça le problème. Laissez le terme répondre, lui. Arrêtez. Plutôt que de pénaliser les protéines, les trucs dégueulasses, dans McDonald's, on va pénaliser celui qui va acheter McDonald's. Mais on peut faire les deux, en fait. Ça veut pas dire que je défends les proxénètes, quand je dis ça. Ça veut dire qu'on peut faire les deux, sûr. Certainement. Oui, mais à ce moment, est-ce que la politique d'un pays, c'est de faire du symbolique? Ça peut aussi, être ça, ouais. On voit la déchéance de nationalité qui était prétendument symbolique, où ça a mené, mis à part des scissions au sein de notre classe politique. Est-ce que ça a fait vraiment avancer le schmilblick? Il s'agit d'êtres humains qui sont sur le trottoir, qui sont en danger, et que l'on sache, ce n'est pas le client qui a confisqué les papiers et qui les tabasse quand le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. Que l'on sache, il n'y a pas de client. Merci Guillaume Meurice, et l'on passe au sujet 2. Oui, voilà, parce que les deux sont intéressables sur le sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'avis de Luz, donc je suis ravie. Il a un bonnet. Ça, c'est fait. C'est fait. Et l'avis d'Alain Juppé, alors? Je sais pas. Est-ce qu'il va aux putes, Alain Juppé? Bien sûr qu'il va aux putes. Avec la tête de gland qu'il a. C'est dommage d'en priver les autres. Alors là, il va y avoir une transition tête de gland. André Manoukian, il va être avec facile, ça, les gars. Et moi qui suis tout amour, qui vous parlez d'une chanteuse super charmante, merci. Merci pour la transition. Tout l'amour tarifé. Allez, ça fait rien. Allez, on s'élève un petit peu. Elle s'appelle Émilie, sur la pochette de son album. C'est écrit Yéli, Yéli. Sur la pochette de son album, il y a un jardin avec un grand blond hilar, une fourche à l'épaule qui pose à côté d'une toute petite mémé kabyle, rabougrie et très sérieuse qui lui arrive à peine à la ceinture. Le grand blond jovial et tchèque, c'est le papa d'Émilie. La petite mémé très sérieuse, c'est la grand-mère d'Émilie. Émilie, elle est née à Créteil au début des années 80. Émilie, c'est son grand-père qui l'appelait Yéli Yéli. En kabyle, ça veut dire fillette. Si tu t'imagines Fillette Fillette de Juliette Gricot, en kabyle, on dirait si tu t'imagines Yéli Yéli. Émilie Yéli Yéli va être élevée aux quatre coins du monde, de la Suède au Japon. Émilie, en citoyenne urbaine d'un monde transglobal, va chanter comme une chanteuse moderne, en anglais, avec une belle voix grave et des brumes électro en écharpe élégante et soyeuse. Émilie prend un nom de groupe, Milky Me. La voix lactée, moi baignant dans du lait, le mystère des noms de groupe, de feu Chatterton en passant par la femme ou bagarre, Milky Me, why not? Mais voilà, après deux choix d'albums, Émilie, lassée d'être dans une cour immense et dans le multiple de ses concerts électropop, a comme des envies d'unique. Vous aurez remarqué que la thématique de la semaine était le 1 et le multiple. Charline, vous avez remarqué. C'est la deuxième fois que vous venez. Donc voilà. Mais la semaine dernière, déjà, on avait vu comment passer du multiple au 1 par les gradus des bitos, en citant Jean Kélévitch, les moyens termes, histoire de ne pas se cramer les ailes, comme Icare qui, visant le soleil directement, sans passer par les intermédiaires du labyrinthe, s'est craché en pleine mer. Hier, nous avons vu comment le multiple devenait 1 par l'égrégore, l'esprit groupe d'une assemblée, ou par les situationnistes de mai 68 qui essayaient de montrer à la foule le chemin de l'autonomie sans passer par des leaders. Eh bien, aujourd'hui, une autre voie pour s'échapper du multiple vers le 1, la voix royale, la voix apollinienne, la voix de l'individuation. L'énergie apollinienne étant cette force verticale qui pousse vers le haut dans un mouvement visant à s'extraire du groupe, du clan. C'est l'histoire d'Antigone. Le paradoxe, c'est que pour Émilie, son individuation passe par son, c'est-à-dire son extraction de la masse des chanteuses pop. Eh bien, pour ce faire, elle va s'immerger dans ses racines, dans son clan. Le paradoxe du chant, c'est que pour gagner des aigus dans la voix, il faut travailler ses basses. Le paradoxe du pianiste, pour faire des progrès à la main droite, il faut travailler sa main gauche. Le paradoxe de l'artiste aujourd'hui, pour aller vers la modernité, il faut plonger dans ses racines. Yéli fantasme une terre qu'elle ne connaît pas, la terre kabyle de ses ancêtres. Cette terre imaginaire, elle la nomme « Terre de mon poème ». C'est le premier titre de son album. Cette terre imaginaire et nourricière va l'inspirer. Elle apprend le kabyle, mot à mot. Elle l'écorche avec son accent français qui la renvoie à l'accent arabe de son grand-père qui écorchait le français. Dans ce contrepoint en miroir, sur la route de son envol, elle a trouvé le bon chaman Pierce Faccini qui la guide, tel un sorcier guide le mangeur de champignons dans le monde des esprits. L'amour, dit Gilles Deleuze. Champignons peut vous aider à comprendre Gilles Deleuze. Castaneda. L'amour, dit Gilles Deleuze, c'est aller à la conquête de territoires que l'on ne connaît pas. Laissez-moi m'embarquer vers l'inconnu avec Yéli Yéli. Dovatia, il dit la même chose. Hein. Mais arrête-toi. Les territoires Dovatia, il dit pareil. Chante Yemma sur France Inter, une découverte grâce à André Manoukian. Yéli Yéli qui sort un album. C'est l'use, on ne l'avait pas vu arriver. Et même c'est vachement bien. Merci. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes avec Luz qui publie « Oh vous, frères humains » d'après l'œuvre d'Albert Cohen. C'est publié chez Futuropolis et c'est une coédition France Inter. Et Clara Dupont-Monod va nous en parler dans quelques minutes. Juste avant, il faut quand même passer par Guillaume Meurice. Ah. C'est un peu le passage obligé, on est désolé, mais allez-y. Ben moi, je suis complètement chamboulé, Charline, aujourd'hui. Vous avez vu la une de l'Express cette semaine? Aucun dossier sur les francs-maçons? Donc comment on fait? On est perdu. Comment on fait pour savoir comment mange un franc-maçon, comment baise un franc-maçon, si un franc-maçon est plutôt slip ou caleçon, et le droit à l'information, on en fait quoi? Hein? Alors heureusement je suis là, et je me suis rendu à un colloque organisé par la Grande Loge de France pour essayer de percer les mystères de la franc-maçonnerie, et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris d'abord que la franc-maçonnerie, c'est avant tout une façon d'aller à la rencontre de soi-même. Hein. Plus précisément, c'est... Une méthode d'introspection, c'est-à-dire d'aller chercher en nous-mêmes ce que nous avons perdu de vue. Mais alors ça, on peut faire du yoga pour ça, par exemple? On peut faire du yoga, parfaitement. Mais la particularité de la maçonnerie, c'est de le faire en fraternité avec un certain nombre de personnes que, autrement, nous n'aurions jamais rencontrées dans notre vie. Ah ben, comme dans un club de yoga, pareil. On a des francs-maçons qui font du yoga, d'ailleurs. Oh la vache! Alors oui, ils doivent être carrément en double introspection, hein, totalement tournés vers eux-mêmes. Ça doit être un peu des mélanges entre Alain Delon et le Dalai Lama. Ça doit être très, très impressionnant. Mais c'est vrai que la franc-maçonnerie peut s'apparenter, selon les francs-maçons, à de la méditation, à quelques différences près. Il y a un côté travail dans l'altérité, travail avec l'autre, qu'on n'a pas dans la méditation. En méditation, c'est vraiment on s'assoit sur le coussin avec les épines et puis voilà, c'est seul face à soi-même. Et vous asseyez sur des coussins d'épines? C'est ça, ouais. C'était pas la méditation, vous êtes fakir en fait. Il y a un peu de ça dans la méditation. Oui, alors faites gaffe, hein, n'allez pas dans le même club de méditation que ce monsieur, hein, sauf si vous voulez avoir mal au cul, ça c'est votre problème. Mais pour ça, vous avez qu'à revoter Hollande en 2017. Pas besoin d'acheter un coussin à épines. Tiens, puisqu'on parle trahison du socialisme, est-ce qu'il y a toutes les classes sociales dans la franc-maçonnerie? Alors honnêtement, oui. Ceci dit, il y a soyez honnête, hein, parce que c'est marqué franc-maçon, il y a franchise dedans. Oui. Non, mais vraiment, tout le monde peut venir. Ce qu'il faut, c'est avoir envie, et comme vous le dites, un peu de temps. Donc mais il y a peu de femmes de ménage quand même. Quand on a vraiment envie, quand on a vraiment le désir profond d'avancer, le temps, on le trouve. Oui, voilà. Alors, il y a plus de notaires que de femmes de ménage, mais c'est parce qu'on sait que le notaire est un gars qui a envie d'avancer. C'est comme ça, il est comme ça, le notaire. Je dirais même qu'il est en marche, hein, tel un banquier de chez Rothschild. Alors que la femme de ménage, ben non, elle a tendance plutôt à être statique. Puis elle a pas de relation, la femme de ménage. Hein. Alors si des fois elle se fait violer dans un Sofitel, bon, ça c'est vraiment le coup de bol. Mais bon, faut avoir le réflexe de garder contact avec le mec. C'est compliqué, quoi. Parce qu'il faut des contacts, hein, pour rentrer dans la franc-maçonnerie. Il faut être intronisé. Alors, est-ce qu'on peut parler de réseau? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes sur Facebook, vous avez un réseau, sur Twitter, il y a un réseau. Bah, nous, on est francs-maçons, on est moins nombreux. Mais par exemple, pour avoir un poste important, être sur Facebook et poster des photos de chats, ça ne me sert à rien. Si vous pensez qu'en étant franc-maçon, j'aurais réussi mieux. Je ne sais pas, c'est ce qui se dit. Ah ben, c'est ce qui se dit, mais est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je vous demande. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Ah ben non, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Hein. Toujours cette notion de franchise. C'est con d'avoir mis franc dans l'intitulé du nom, parce qu'on a l'impression que ça les engage à quelque chose. C'est comme Clara. Hein. Heureusement qu'elle ne s'appelle pas Clara Sourire. Hein. Ça devrait déjà à faire moins souvent la gueule. On a mis Guillaume Courage. Ceci dit, certains francs-maçons ne sont pas d'accord, hein, avec cette idée de réseau. Ça, c'est un fantasme. J'en suis l'exemple personnel. J'ai galéré en tant que franc-maçon pendant des années sur le plan professionnel. Et j'ai jamais trouvé de réseau qui m'ayant permis de sortir de cette galère. Alors du coup, il n'y a pas beaucoup de fraternité alors, entre frères? Si, il y a beaucoup de fraternité, mais seulement, il y a parfois une pudeur. On n'est pas, quand on est dans l'ennui, on a parfois des réticences à l'exprimer. C'est vrai? Oui. Bah, il faut demander de l'aide à ses frères. Oui, c'est vrai. Et je reconnais que parfois, j'ai péché de ce côté-là. Oh, il est mignon parce qu'il est pudique. Oh là là, c'est pas un franc-maçon, c'est un chou-maçon, on a l'impression. Il a su garder son secret. Hein, voilà. Et le secret, c'est très important chez les francs-maçons, n'est-ce pas? Il y a un seul secret. Il y a un seul secret. Pour moi, c'est un secret intérieur. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, c'est pareil. Si je vous dis, tiens, voilà, écoute tel morceau de musique, on écoute le morceau de musique. Puis après, on cherche à le partager. Alors, il est comment ce morceau de musique? Bah, il est rouge, il est bleu. Oula, alors attends. Un morceau de musique rouge ou bleu, si c'est pour nous faire du manoukian, c'est pas la peine. On a le même à la maison. Et puis surtout, eux aussi, ils ont le même. Car qui j'ai croisé à ce colloque? André Manoukian, dis donc! Bah, dis donc, on savait que Manoukian avait pas mal de maîtresses, mais a-t-il un grand maître, André Manoukian? Hein? Bref, André Manoukian est-il franc-maçon? J'ai dit que j'étais un maçon sans tablier. Ça veut dire que sans être dans la franc-maçonnerie, je partage certains de ses idéaux. Notamment l'humanisme des Lumières du XVIIIe siècle. Et moi, je fais même remonter la franc-maçonnerie aux pyramides égyptiennes. Mais là, on ne va pas avoir assez de temps. Non, on ne va pas avoir assez de temps parce que la batterie de mon enregistreur a seulement 8 heures d'autonomie. Hein. Donc clairement, je n'avais pas le temps d'écouter vos explications sur la franc-maçonnerie depuis les pyramides en passant par le triangle du stérilé afghan et compas Yoruba. Puis, je vais vous dire, j'en avais un peu marre du prêchi-prêcha maçonnique. Pour échapper à la religion, pas besoin d'en inventer une autre. Il suffit simplement de rester fidèle à la devise « Ni Dieu, ni maître ». Guillaume Meurice, merci, sur France Inter, en compagnie de Luz. On va aborder avec vous le deuxième sujet. Est-ce que les flics qui manifestent gueulent CRS, CRS, voilà, on peut le savoir, puisqu'ils ont manifesté ce midi. Les flics ne se sentent plus en sécurité par manque de moyens et trop de sollicitations. Alors, d'habitude, on aime assez bien rire des flics, c'est le mauvais esprit. Mais là, il y a un mais, quand même. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas à la ratonnade. On a tous peur, certains d'entre nous sont malades. On ne veut pas sortir, pourvu que le préfet ne nous fasse pas intervenir en fuite, s'il vous plaît. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses. Ça serre les fesses et ça stresse. Ouais, ça serre un peu les fesses, le CRS, en ce moment. C'est les, comment on prononce, les Wriggles. Les Wriggles. Les Wriggles, un groupe français, malheureusement dissous en 2009, mais que je vous encourage à réécouter. Vous connaissez les Wriggles, Luz? Oui, je crois. Rien à voir avec les Eagles, hein. Non. Luz est un peu au courant. Vous avez été DJ, Luz? Oui, j'étais DJ, disque jockey, dans un prestigieux. Sur le dance floor, comme dirait l'autre. Et il passait Europe The Final Countdown. Bien sûr, je sais, allez, son morceau. On vit en France, à un moment... C'est la délation, ce qu'on est. Non, jamais. Oui, d'accord. Il y avait un sujet, allons-y. Oui, très bien, oui. Non, parce que ce que vous racontez pendant le disque, l'auditeur n'est pas au courant, je tiens à vous le rappeler. Il y avait Van sans le backup. Moi, j'aimerais traiter le deuxième sujet avec Luz, s'il vous plaît. On vit en France un moment particulier où l'état policier est tellement développé que même les flics n'arrivent plus à suivre et qui finissent dans la rue. Alors j'imagine, Luz, maintenant vous voyez ça avec une forme de détachement aussi, mais vous connaissez ça de près aussi, ça interpelle le satiriste et l'homme qui est en vous, ce qui est en train de se passer là, que les policiers ont des horaires à rallonge parce que le gouvernement dit on va remettre des moyens, les types font des journées pas possibles, ils finissent dans la rue. En tout cas les miens, ils étaient enfin moi, vous savez, j'ai des flics, mais en fait moi je vis dans une manif permanente dont je suis le seul manifestant. Selon la police, je suis 0,5 et selon moi je suis à peu près 4. Donc en même temps les flics qui manifestent assez régulièrement aussi. Ça arrive quand même, c'est nouveau. Alors après, il y a un service de plus en plus étendu de protection aux personnalités, etc., avec des personnalités qui parfois abusent un peu et demandent notamment d'accrocher les rideaux parce que monsieur est grand, ou d'aller chercher le poulet rôti. Hein, ça peut servir la protection policière, mais bien c'est sûr, pas mal. Évidemment. Ça peut servir aussi pour rentrer bourré le soir. J'ai déjà essayé. Une info. C'est vrai? Justement, quand j'étais DJ, j'étais déjà sous protection policière. Du coup, les flics étaient obligés de m'accompagner parfois jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, parfois plus. Donc, c'était un peu fatigant. Certains dansaient, étaient dans les bars, etc. Mais en général, il y a eu des ménages qui ont été brisés à cause de moi. Alors, à cause de votre mauvais esprit, il y a eu beaucoup de caricatures de flics, etc. aussi. Puis là, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent s'investir dans cette carrière, de plus en plus de jeunes qui veulent devenir militaires. Il y a comme une sorte de mouvement inverse des choses. Là, le satiriste, il perd un peu pied, parce que comment on fait, comment on ressent l'inversion, vraiment, c'est la crêpe est retournée, quoi. En même temps, le monde devient un peu pas moins débile qu'avant, en fait. C'est juste, juste une matière supplémentaire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est juste un cran plus loin. C'est juste un cran plus loin. Mais c'est vrai d'imaginer que... Ah oui, il y a un truc. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est que il y a un truc. C'est pas du tout marrant. Il y avait une grande fresque à Montparnasse. C'était Joe Sacco qui avait fait. C'est un dessinateur qui avait dessiné la guerre de tranchées. Ça a duré pendant très très longtemps. C'était magnifique devant les escaliers de Montparnasse. Et maintenant, c'est engagez-vous dans l'armée. Ah. Et alors que Sacco avait dessiné juste des gens qui étaient dans les tranchées, qui crevaient, etc. Et c'était la Grande Guerre. Et là, tout d'un coup, ça a été remplacé par engagez-vous dans l'armée. Et là, j'avais envie de pleurer. Voilà, c'est pas très drôle, mais j'avais envie de parler, de dire cette anecdote et de me dire, ouais, c'est vrai que le monde change, mais pas forcément. L'image est parlante, en tout cas. Clara Dupont-Monod, revenons à l'ouvrage de notre invité, Luz. C'est normal, elle fait ça à chaque fois. Luz, ô vous frères humains, d'après l'œuvre d'Albert Cohen, paru chez Futuropolis. Oui, alors pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route, ou alors pour ceux qui n'écoutent que ma chronique, ils sont nombreux, voici l'histoire. Pour s'endormir. Je cite, « Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses 10 ans. J'ai été cet enfant. » C'est ce qu'écrit Albert Cohen dans l'édition de 1972, puisque la première version du texte était parue en 1945. Alors, c'est ce que vous avez adapté, donc vous, Luz, dans un album. Et cet album, il a une particularité, c'est qu'il est presque silencieux. Non seulement il y a peu de textes, mais surtout, en fait, il y a assez peu de textes de Albert Cohen. C'est une très bonne nouvelle, pour deux raisons. D'abord parce que, je vous l'avoue, l'écriture d'Albert Cohen ne fait pas partie de mes préférés, voilà c'est dit. Et ensuite parce que, mine de rien, avec cet album, vous réalisez un tour de force technique, c'est-à-dire que vous dessinez ce que génèrent les mots d'Albert Cohen. Vous vous êtes appuyé sur le ressenti du lecteur, beaucoup plus que sur l'intention de l'auteur. Démonstration, puisque je vois vos regards un peu ébahis. Le livre commence par la voix d'Albert Cohen, qui se souvient de ce terrible souvenir d'enfance. Alors, il dit dans le livre qu'il est vieux, bon, bah, vous le dessinez vieux. Il dit dans le livre qu'il est seul, vous le dessinez tout seul. Mais il ne dit pas qu'il est en robe de chambre et qu'il vit dans une cité de béton. Et c'est pourtant, c'est comme ça que vous le dessinez. Parce qu'en fait, c'est exactement l'image qu'on s'en fait. Ce monologue, quand on le relit bien, il évoque un état d'abandon. Il évoque des barres d'immeubles, un décor tout gris derrière les fenêtres. En d'autres termes, les mots dessinent un ressenti. Et donc, ce ressenti, vous le dessinez, vous le reprenez à votre compte. De la même façon, la scène fondatrice du livre, elle est au début. Bon. Albert, 10 ans, je la rappelle, Albert, 10 ans, s'arrête médusé devant un marchand ambulant qui vend du détachant. L'enfant veut l'offrir à sa mère et puis le marchand lui lance, je cite, « Toi, t'es un youpin, hein ?» Et il se déchaîne devant la foule hilare. Alors, dans le livre, ce discours est retranscrit tel quel. Albert Cohen ne fait pas de commentaires et en gros, il s'étale sur deux pages, deux petites pages. Eh bien, vous, Luz, vous en prenez le double de pages parce que, oui, cette tirade paraît longue quand on la lit tellement elle est infâme. Et d'autre part, vous transformez les mots du marchand en une espèce de bouillabaisse qui sort de sa bouche et qui recouvre l'enfant. Ouais. En d'autres termes, il vomit sa haine. Votre dessin met en forme ce que le lecteur ressent à la lecture du livre. Est-ce que je me trompe ? Non, pas du tout. Bon. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'idée de la trahison d'un texte. En fait, c'est totalement un faux problème. Vous savez, on dit souvent adapter, c'est trahir. Dans quelle mesure on a le droit ou pas? Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser ou pas? Mais dans votre cas, mais la question ne se pose absolument pas. Ça n'a pas de sens puisque, en vous appuyant sur le ressenti du lecteur, en fait, sur ce que j'appelle les vapeurs du texte, qui émanent de ce texte et qui créent des impressions, vous êtes déjà dans l'interprétation, dans une part subjective, donc incontrôlable, qui n'appartient qu'à vous et du coup au lecteur de l'album. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a juste un moment où, pour le coup, vous stoppez cette mécanique et vous vous rangez complètement du côté de l'auteur. C'est à la fin, page de gauche, le texte d'Albert Cohen, cette fois retranscrit tel quel, quasiment tel quel, parce que là, il y a un écho avec notre présent. Cohen, et c'est magnifique, je le reconnais, dégomme l'amour du prochain, fadaise qui n'a récolté que des morts. Il dit « Ne plus haïr importe plus que l'illusoire amour du prochain ». Et il dit aussi, et là, Albert Cohen est au plus près de vous, de nous et de Charlie Hebdo, écoutez bien, oui, ses yeux morts mais ouverts vous regardent, haïsseurs, vous regardent lorsque vous riez, vous regardent lorsque paisiblement vous dormez, vous regardent lorsque vous priez, vous regarderont lorsque vous agoniserez. Je vous redonne les références du livre « Au vous, frères humains » de Luz, adaptation d'Albert Cohen, paru chez Futuropolis. Merci Clara Dupont-Mono. Merci, ouais. Je suis sur le cul, ouais, parce que c'est exactement... Enfin, c'est... c'est exactement ce que j'ai cherché. Elle a réussi à traduire ce que vous avez cherché à faire. C'est un coup de bol, hein. Normalement, elle est toujours à côté. Non, mais c'est vrai que c'était hyper, hyper, hyper gonflé. Je me suis dit, merde, je vais appeler les endroits en leur disant, bon, je veux faire une adaptation, mais sans texte. Pas uniquement parce que je respecte le texte, mais aussi parce que je veux parler de mon ressenti de lecteur. C'est-à-dire, une fois qu'on est, dès qu'on est lecteur, c'est presque la physique quantique, je sais pas, dès qu'on est lecteur, paf, le texte est modifié. Parce qu'on a de l'imaginaire qui surgit. Et je voulais pas, je voulais juste être traversé par le texte de Cohen pour qu'ensuite les gens reviennent sur le texte de Cohen pour être eux-mêmes traversés par le texte. Ça donne envie de le lire en tout cas ou de le relire. Et donc votre intention a été comprise, ce qui est déjà au moins pour une personne. c'est déjà ça. Luce, donc, oh vous frères humains, chez Futuropolis, on va aborder rapidement le troisième sujet, qui est un sujet aussi profond que celui qu'on vient d'évoquer, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Macron, qui lance son mouvement politique En Marche, ni de droite, ni de gauche, parce que le type est moderne. Il pense out of the box, Emmanuel Macron. Et alors, il veut faire tomber les barrières, c'est beau comme du Céline Dion. En Marche, donc, ce week-end, Macron a préparé ses troupes, écoutez. Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. En Marche, quoi. Hein ? Oui. L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. C'est excessivement simple, comme ceci. 1, 2, 3, inspiration, petit pas de pause. 1, 2, 3, expiration, et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord ? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. Et voilà, En Marche vers 2022. Facile. Emmanuel Macron. Donc c'est un extrait 2022 des... dans le plus mauvais des cas. D'un extrait des randonneurs. Luz, votre job, c'est aussi les politiques habillées très très chaudement par la com, une couche épaisse. Ouais. Voilà. Ils foutent à poil. Exactement. Leur enlever leur putain de com. Eh ouais. Ouais. Alors ouais, là, il y a une bonne grosse couche chez Emmanuel Macron, non ? Oui, mais c'est marrant. J'ai l'impression que personne n'est dupe quand même. Genre, je pense pas non plus, mais le type, il est un peu con. Non, mais il est un peu con parce qu'il dit, c'est un mouvement qui s'appelle En Marche, et puis ouais, il dit ni à gauche ni à droite. Alors comment tu fais ? Bah tout droit, je sais pas. Bah tout droit. Alors avec quoi ? Le GPS du MEDEF ? Enfin, il y a quelque chose qui coince en fait dans sa logique. Déjà, on se dit, on est obligé de se foutre de sa gueule. Ouais. Quand on vous entend parler d'actu comme ça maintenant depuis trois quarts d'heure, on sent que vous êtes encore à fond baigné dedans, que vous avez à fond un avis sur les choses. Est-ce que distancié quand même. Ouais, distancié, je suis plus distancié. Est-ce que ça vous titille pas de dessiner ces choses-là, quoi, aussi ? En fait, le problème, c'est que, en fait, quand on a dessiné justement, plutôt particulièrement des politiques, oui, c'est qu'on dessine des politiques, on va sur Google Images, on dessine leur gueule, etc. Et vous vivez avec les politiques, oui, au fond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vous envahissent. C'est-à-dire Sarkozy, j'ai dessiné mais des tonnes de fois, et puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Mais c'est-à-dire que travailler avec l'actualité, ça devient aussi insupportable. Parce que vous êtes tout le temps avec eux ou eux sont tout le temps avec vous. Est-ce que ça manque ? C'est ma question. Est-ce que par moment... Apparemment pas. Non. Il a répondu là. Non. D'être poursuivi par Alain Juppé, par François Hollande, etc. On commence même à vous comprendre. Moi, oui, c'est ça. Non, mais après, il y a un truc qui est chiant, c'est qu'il y a les présidentielles qui arrivent et puis il y a des enjeux aussi. Donc le truc qui va me titiller, c'est moins de dessiner Macron avec son gros nœud là qu'il a sous le... Son gros nœud qu'il a sous le... Non, mais vous avez remarqué, il a un énorme nœud. Moi, j'adore le... Enfin, j'aimais le dessiner. Ah putain, faut pas que je replonge. J'enlève votre crayon. Il a quand même un énorme... Il a toujours un nœud de cravate énorme. Ah, oui, c'est vrai. Le nœud de cravate le plus énorme de la classe politique. Comme s'il y avait vraiment, genre, je mets ma bite sur la table et mon gros nœud de cravate... Attention, parce que c'est comme la drogue, il faut pas replonger tout de suite. Gardez un peu de large, ça fait du bien. Respirez, Luz. On vous conseille plutôt pour l'instant l'album et puis quand ça vous reviendra avec 2017. Tiens, une autre carrière s'ouvre devant vous là. L'exercice qu'on demande à chaque invité à la fin de l'émission, c'est le sketch. On l'a écrit pour vous, on vous a donné un rôle que vous ne connaissez pas, que vous découvrez. Vous êtes Dieu et vous en avez marre et vous allez boire un petit coup au bar. C'est Guillaume Meurice qui est le barman. On y va. Tenez, monsieur, un petit coup de rouge, là, ça vous remontera le moral. Merci bien. Ça fait longtemps que vous déprimez, monsieur ? Depuis qu'ils m'ont inventé. Ah, d'accord. Et ça fait longtemps ? C'est variable, ils ne m'ont pas tous inventé en même temps. C'est... Mais dites donc, il est pas mal, celui-là. Il est beau comme un dieu. Ah, c'est cohérent. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Ben, tout. Ah oui, je sais, vous êtes Bernard Tapie. Non, mais lui, il a longtemps cru qu'il était moi. Mais donc, je comprends pas le contenu de votre job, c'est quoi ? Ben, de manière générale, je m'occupe de la paix dans le monde. Ah oui, d'accord, donc vous êtes en RTT, là, après. moi, j'ai rien compris. Hein. Non, mais c'est une bonne partie du problème. Je ne dois pas être très clair. Ah bon ? Ah bon ? Non, en tout cas, je suis souvent très mal interprété. Ouais, moi, j'ai toujours rien compris. Hein. En fait, je suis Dieu, voilà, ni plus ni moins. Ah, mais lequel des dieux ? Le seul, il n'y en a qu'un, personne d'autre ne veut faire le job. C'est ça, alors Dieu dans mon bar ? Je peux prendre un petit selfie ? Non, j'aime pas trop les images de moi. Ah pardon, excusez-moi, pardon. Avec tout ce qui se passe, pourquoi vous êtes au bar à boire des coups ? Ah je viens de présenter ma démission. Hein ? Non mais à qui il présente sa démission, Dieu ? À l'intelligence. Ah bon, et elle a accepté ? Je ne désespère pas. Mais si vous avez démissionné, il faut absolument prévenir tous vos soutiens, alors. Bah surtout, faut fêter ça ! Allez, c'est ma tournée ! Allez, à la reconversion de Dieu ! Génial ! Bah vous allez faire quoi maintenant ? Rien. comme avant. Il est drôle, il est drôle. Ah bah dis donc, t'as plus d'humour que t'es fidèle. Hein. Et il est où? Ah, et monsieur Dieu, y avait à la Jupiter? Mais il est passé où? Attends, on n'a pas rêvé, il était là? Bah si, il était là, enfin je crois. Bah en tout cas, il est plus là, là. Bah non, bah alors on l'a créé. Ah bah ouais, peut-être parce qu'on s'emmerdait, tout simplement. On s'emmerde toujours, d'ailleurs. Bon bah viens, allez, on va aller raconter qu'il existe à plein d'autres gens qui s'emmerdent. Ouais, génial! Génial, allez hop! Merci Luz. De rien. Bon donc, avant que, vous allez replonger donc vous pensez, non, ça vous a titillé un moment, en fait, 10 secondes. Non, ce qui risque de me faire plonger, c'est la montée du Front National. Ouais. Si ça monte vraiment trop haut, je préviens, peut-être que je reviendrai dans le... Non mais là vous donnez envie aux gens de voter Front National. Ouais. C'est pas une bonne idée ça. Ah la connerie. Non, ok. Je ne dessine plus jamais Marine Le Pen, plus jamais Nicolas Sarkozy. Et voilà, c'est une belle parole. Merci beaucoup Luz d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à vous. Passer du temps avec son dernier album à Luz, qui est une prouesse dans le dessin, dans le cœur et l'imagination. Oh vous frères humains, d'après l'œuvre d'Albert Cohen. Et non d'Alain Juppé. C'est paru chez Futuropolis. Merci beaucoup Luz et merci à tous les amis autour de la table. On va laisser le mot de la fin aux clientes prostituées qui seront désormais pénalisées. Moi c'est bien simple, depuis ma première communion j'ai l'impression que ma braguette est ouverte. Je passe mon temps à me vérifier. L'enfer, on sait ce que c'est, on peut en parler, on en revient.